Ah, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Non, non, vas-y, dégage, dégage. Ouais, vas-y, quoi. Non, dégage. Oh, Tcho-Tcho, ça va, Frangien? Bien ou quoi? Ça va, mon pote, bien. Ça va, combien vous êtes? 25, 30. Bah, c'est bon, allez-y, allez-y. Okay, bon, ok, merci. Aïe caramba, dans le club, rien que de la bomba. DJ pousse le son qu'elle secoue leur bomba. Gros bordel, sans coq ni costard. Tu veux de la top model ou de la porno star? Mais t'es encore dehors dans la file d'attente, à piétiner dans le froid ou sous la pluie battante. Moi j'arrive avec 30 postes, on passe sur le côté. On rentre tous en short et moi sur un poney. Yeah, c'est ambiance saloon, j'bordélise le VIP room. Boum, puis j'mixe ton Pérignon et Red Bull. Les Miss 10, il a des millions, il doit être cool. Ouais, j'suis blindé comme le rhino sur mon polo. Mais j'sais pas danser autre chose que le pogo. Trop de go, tu veux la plus belle, la plus riche? Qu'est-ce que tu cherches? La plus stylée, la plus chère, la plus bitch. Ça sent le blé, ça sent l'oseille dans ce bordel. Ça sent la pluie, ça sent l'essence dans mon cocktail. Ça sent le brûlé, ça sent l'ambiance scandale. Ça devient la chaleur, c'est l'anarchie totale. Ça sent le blé, ça sent l'oseille dans ce bordel. Ça sent la pluie, ça sent l'essence dans mon cocktail. Ça sent le brûlé, ça sent l'ambiance scandale. Ça devient la chaleur. Dans le club, ça burn fort. Bordel sur le dance floor, ça chauffe non-stop. Juste à faire cramer le spot, don't show mon nom de code. Connu pour donner le sport et pour baiser le score. Pas prêt à baisser le store. Tu veux une gale qui whine, des gaines qui bouge comme Shakira. Ou une qui boit les Heineken, qui crache comme Cadera. Tu cherches les jambes d'Adriana, le boule de Rihanna. Ou une baba cool soul qui roule la marijuana. Tu veux une lady douce comme une glace à la menthe, qui te montre son string, son piercing à la langue. Tu veux la number one qui les met toutes à la menthe. Ou une qui te travaille comme si elle braquait la banque. Moi je suis défoncé mais je garde la classe. Je vomis pas par terre mais dans le seau à glace. C'est pour les bagales et les chiens de la casse. Lève ton majeur si tu sais comment ça se passe. Ça sent le blé, ça sent l'oseille dans ce bordel. Ça sent la pluie, ça sent l'essence dans mon cocktail. Ça sent le brûlé, ça sent l'ambiance scandale. Ça devient la chaleur, c'est l'anarchie totale. Ça sent le blé, ça sent l'oseille dans ce bordel. Ça sent la pluie, ça sent l'essence dans mon cocktail. Ça sent le brûlé, ça sent l'ambiance scandale. Ça devient la chaleur. Dans le club ça burns fort, bordel sur le dance floor. Ça chauffe non-stop, jusqu'à faire cramer le spot. Don't show mon nom de code, connu pour donner le sport et pour baiser le score, pas prêt à baisser le store. Dans le club ça burns fort, bordel sur le dance floor. Ça chauffe non-stop, jusqu'à faire cramer le spot. Don't show mon nom de code, connu pour donner le sport et pour baiser le score, pas prêt à baisser le store. Ça sent le blé, ça sent l'oseille dans ce bordel. Ça sent la pluie, ça sent l'essence dans mon cocktail. Ça sent le brûlé, ça sent l'ambiance scandale. Ça devient la chaleur, c'est l'anarchie totale. Ça sent le blé, ça sent l'oseille dans ce bordel. Ça sent la pluie, ça sent l'essence dans mon cocktail. Ça sent le brûlé, ça sent l'ambiance scandale. Ça devient la chaleur. Yeah. Lève ton majeur si tu sais comment ça se passe. C'est pour les bad gals et les chiens de la casse. Bitch.